The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Change. La monnaie. Coin. La pièce. Player. Le joueur. To know. Savoir. To sing. Chanter. Again. Encore. Stop. L'arrêt. Car. Le wagon. Now, a bit faster. Stop. L'arrêt. To know. Savoir. Player. Le joueur. Again. Encore. Stop. L'arrêt. To sing. Chanter. Stop. L'arrêt. Car. Le wagon. Again. Encore. Stop. L'arrêt. To know. Savoir. To sing. Chanter. Again. Encore. Change. La monnaie. Player. Le joueur. To know. Savoir. Now, use the words in context. La monnaie. She has some change. Elle a de la monnaie. Le joueur. He's a bad guitar player. C'est un mauvais joueur de guitare. Savoir. I've known how to drive for a long time. Je sais conduire depuis longtemps. Encore. I still have 20 euros. J'ai encore 20 euros. L'arrêt. The bus stop is real close. L'arrêt de bus est tout près. Le joueur. He's a bad guitar player. C'est un mauvais joueur de guitare. Encore. I still have 20 euros. J'ai encore 20 euros.